Yeah, man. On the other room is quite full. Other room is quiet. The room. Hello, I'm trying something. I don't know soif d'idéal, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. 80 ans, maintenant on va mettre les vieux au chômage, mais pas pour longtemps. Il au moins 6 mois avant de crever sans rien. On verra à nos parents et nous on dit pas vraiment rien. Je streamais toi qui joue de la guitare comme ça, c'est pas vu. Déjà moi je ne te connaissais pas sous cet aspect là. Moi je ne te connaissais pas, guitariste. Comme ça, moi je ne te connaissais pas. Open the password and I'm not quite sure I'm gonna stream this song. I'm not quite sure about soif d'idéal. Faut voir comment on nous parle. Foule sentimentale. Faut voir comment on nous parle. Foule branche ou pas? J'ai pas encore commencé à streamer. Si tu te branches, peut-être qu'on fait pas tout de suite le tube qui va faire que le copyright il va nous niquer la gueule. Fou. Bon, en fait non, mais bon. J'ai de la batterie. Ça fait envie. Viens, je stream. Tu te branches, un peu de droit de parodie, citation. Oui, mais bien sûr. Après, bah, évidemment. Je suis censé arrêter au moins dans. Enfin, je suis censé avoir arrêté il y a 20 minutes, dans 10 minutes. Berne aussi. Il m'a dit en fait il a. Non, moi j'essayais de faire un truc. Ouais, non, ouais. Ouais. J'aurais pas dû le dire d'ailleurs. Mais j'ai dit à Berne que je crois qu'il était carrément plus vieux. Ouais. Et en fait il est. Ah d'accord. Et tu bosses sur quoi? Il a que quoi? Oh wow, le délai il est. Ah oui, être. Ah, le délai méga violent. Sac. casse le rêve, le délai. Après, il y a des vieux qui sont sympas. Thank you. Thank you. Thank you.